écoute ce que j'ai à dire, mais j'ai juste le goût de fuir. Maman, tu sais que t'es tout pour moi, as-tu pensé à quoi? J'ai le sang qui me démange, je peux même vivre dans la grange. Je sais qu'on n'a pas de grange, mais je voulais rimer en ange. Je t'en ai tout le temps te décevoir quand je vais boire. Je veux pas ta vue et que je fume pas, ça oui, pis je t'en mens pas. J'suis juste tanné de vivre dans ce rythme. Là, je t'écœuré, j'ai goût de sacrer mon camp, mais promis, j'irai contre toi. Tu as fait tout pour moi, ben oui, pis là, quoi? Tu t'attendais à quoi? Je feel bad, tu sais, je suis rendu bas, mais c'est pas la fin du monde. Ma tête tourne comme un rond, je m'ennuie du temps tellement que j'étais un enfant. À peine capable de parler, j'étais sûr d'être aimé. À cette heure, j'ai de la misère à faire confiance aux gens qui m'entouraient. Ce soir, je pars en tournée, j'écris pour oublier les démons qui se cachent dans le plus profond de mes émotions. T'as né t'empêcher de faire tes affaires, faut tout le temps que tu me check. Pour être sûr, je fasse pas de conneries, t'inquiète, tout est ok. Je vais aussi arrêter de te mettre la faute sur les trahisons que certaines personnes m'ont fait endurer, les cons. J'ai juste le goût de partir, mais rien contre toi. Ma vie, je peux la vivre, à cette heure, j'ai juste besoin de moi. J'ai bien appris mes erreurs, dans ta tête me pousse une fleur. Cette fois-là, est pas toxique, c'est pour ça que je pars plus en panique. Les étoiles se rassemblent dans ma tête pour essayer de régler mes dettes. Je veux voir très différemment, changer de routine, oui, dès maintenant. Mais faut quand même que je subisse cet été de merde, oui, je t'en crisse. Au moins, je recommence à m'inviter dans mes passions. J'irai plus rouler que sans destination quelconque. Je fais plus rien pour m'endetter. Anyway, la vie m'a tout enlevé. Puis demain, je serai encore là. T'inquiète, maman, je suis rendu grand. Ouais, je suis rendu grand. J'ai juste le goût de partir. Juste le goût de partir. J'ai juste le goût de partir. Ouais, mais t'inquiète, je suis rendu grand.